par émission Le Zinc consacré à la musique française. Et on commence avec ça. Et voilà, c'est l'heure. Le moment choisi pour vous deux, c'est l'heure. Et pour nous aussi, l'heure de la rencontre a sonné par trois fois les anges ont passé lui. Il n'a vu qu'un regard si triste et si sombre. Il fit apparaître une lettre aux mots tendres. Et sur ces mots tendres, elle a reposé son regard si triste et si sombre. Il a vu que c'était elle, l'étoile la plus belle au ciel. Elle a su que c'était lui, le futur présent de sa vie. Lui, il est seul, le nez planté aux étoiles à blanchir. Lui, encore seul, brûlait la carte du tendre au défaut d'amour. Elle est seule, confondue par ses oracles, elle sait seule. Maudire sa cour à court de miracles. Puis il a quitté son maquis pour l'emmener. Il est parti de rien et de loin, c'était le pari. Elle n'aurait pas pu s'éveiller, s'élever et étinceler dans son écrin sans couleur, couloir des soucis. Il a dit que c'était elle, l'étoile qu'il cherchait dans le ciel. Elle a su que c'était lui, le futur présent dans sa vie. Elle est partie, laissant tous ses oripeaux secs et tôt. Elle prit parti pour cet homme qui avait su parler à son cœur. Par tant d'ardeur, elle sourit, elle s'épanouit, jetant aux orties la peur. Elle a retrouvé le lac qu'elle avait égaré là-bas. Au fond, tout au fond de son cœur, il se cachait là. Elle a vu en elle l'accord sans ce qui pourrait les sauver. Sonner le glas de leur vie glacée. Il a vu que c'était elle, l'étoile la plus haute au ciel. Elle a su que c'était lui, l'éternel présent dans sa vie. C'est l'heure, aujourd'hui, l'instant choisi. Oui, c'est l'heure, aujourd'hui, de balayer les soucis, de parler d'amour. L'instant choisi pour tout dire en deux mots, deux fois oui. Et oui, c'est encore Debout sur le Zinc qui entame notre deuxième émission radiophonique, Radio le Zinc, sur les ondes de la très locale Radio Val de Rhin. Le violon, la clarinette, les cuivres de cette tripotée de copains qui nous emmènent ce soir, comme ils nous emmèneront souvent, je l'espère, dans une heure de musique française. Et quoi de plus français que les petits gars de Nice, les quatre petits galets, pour prendre le relais avec une de leurs plus belles chansons, Je suis d'ailleurs. Et oui, on peut être d'ailleurs et aimer la France, les petits galets. Un zigane qui sait se taire, mais je suis blanc pour eux, j'ai tant pour les blancs et je suis veux tout. Je suis d'ailleurs, je ne suis pas de chemin. Je suis d'ailleurs, et je vais bon train. Je suis d'ailleurs, et je ne suis pas de chemin. Je suis d'ailleurs. J'ai besoin de plus de place. J'étouffe vite dans un bureau et je veux suivre les ruisseaux. J'aime pas les faux semblants, les vrais faux snaps des réunions. Smoking gobelet, j'suis pas la fête. Et quand j'y suis, j'me prends la tête. Je suis d'ailleurs, je ne suis pas de chemin. Je suis d'ailleurs, et je vais bon train. Je suis d'ailleurs, et je ne suis pas de chemin. Je suis d'ailleurs. Saint-Étienne pendant un festival Parole et Musique. Un chapiteau, des gens non masqués et sur la scène DKS, tout seul avec sa guitare pour nous offrir Après la pluie. Tout un programme. J'ai marché dans le désert, les deux pieds sur le bitume. J'ai cherché des âmes frères au nord de mes soirs de brume. J'ai lutté contre le vent, combattu quelques moulins. J'ai souvent montré les dents, parfois craché mon venin. Mais après la pluie vient le beau temps. Après la nuit, des yeux d'enfant. Sotobotobi silti, sotobotobi silti jamari, anda jamagasi, anda jamagasi su kanandera. J'ai connu des soirs de doute, au bruit de mes démons. J'ai souvent fait fausse route et sombré dans les parfums. De la fin, j'étais esclave aux rives de l'indifférence. J'ai vieilli au fond des caves, dans la lit de mes souffrances. Je garde en moi des mystères et des beautés inconnues. Je sais que rien n'est à refaire et que ma vie continue. Mais après la nuit vient le beau temps. Après la nuit, des yeux d'enfant. Après la nuit vient le beau temps. Après la nuit, des yeux d'enfant. Sont en beau tobi, s'il dit. Sont en beau tobi, s'il dit, John Marie. Nga Jamagasi. Andaja magasi suka mandala Sotobotobi silti jammari Andaja magasi suka mandala من ورا المطر يا جرابي من ورا الحزن هي من ورا الحزن تاج الساعة من ورا المطر هي من ورا المطر يا جرابي من ورا الحزن هي من ورا الحزن تاج الساعة مي أبخي لا بلوي أبخي لا بلوي بيان البوطن أبخي لا بلوي Après la nuit, tes yeux d'enfant. Après la nuit, vient le beau temps. Après la nuit, tes yeux d'enfant. Après la nuit. Quelques années après avoir vu DKSO Magic Mirror de Saint-Étienne, je me suis retrouvé à une fête de la musique créée dans les années 80 par le ministre au col Mao Jack Lang. Au programme de cette fête de la musique, à Riorge, il y avait mon compte Pink. Je me réjouissais alors de revoir le susnommé DKS. Quelle fut ma déception quand j'appris par Mourad que DKS avait fait une crise de foi. Mais c'est pas grave. Mon côté punk, le coffre. Coffre-fort d'Alain Leprest, il y a un trésor, mais nul ne sait ce qu'il en est. Je l'imagine venu à bord d'un vieux bateau de poussière. Le capitaine ne serait qu'œil poché ou jambe de bois. Régnerait sans merci sur les océans et la vue d'une voile au vent lui ferait hisser drapeau noir. Il a dû en faire au fond de sa cale des milles et des miles, de long en large, en avoir le mal de mer. Un de ces trucs comme ça qui vous tord les boyaux et vous rend malade pour une décennie. Mais le coffre, lui, n'a jamais découpillé son trésor. Ce coffre, je le devine d'un autre monde, en table de chevet pour Monsieur l'Empereur, confident pour Nostradamus ou Catherine de Médicis, en trophée Jules Verne qu'on camouflerait aux aventuriers. Je le vois plein de contes qu'on ne raconterait qu'aux enfants. De prince et que dire de ceci et de cela, de ce vieux coffre de ferraille qui ne ferait même pas briller une dent cariée. Pas besoin de le dégonder, de le dessouder, encore moins de le dérober, ni même de tour de clé. Ce ne serait que perte de temps. Nous sommes restés des heures à genoux face à ce coffre. On l'a caressé comme Arsène Lupin l'aurait fait, secoué tel des bandits de passage, sans aucun résultat. On lui a même mis les quatre pieds en l'air pour le rendre moins fier. Des sourires plein la gueule, on s'est vautré à terre pendant que l'horloge dansait au rythme des minutes et des heures, Nous avons laissé voyager par mégarde nos pensées d'enfants rêveurs. Fini les rêves et les voyages, la réalité a repris ses droits. Toujours le vide dans nos poches et nos cœurs en balanche. Mais il nous reste entre les doigts le contenant de ce que l'on doit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne va pas être content. Si le quota de chansons françaises est idéal sur Radio Le 5, celui des chanteuses ne l'est pas. Alors Radio Le 5 ne recule devant aucun sacrifice et remonte en première ligne la douce Émilie Loiseau, connue entre autres pour sa reprise de Brassens, Les Filles de Joie. Mais ce soir, c'est à l'autre bout du monde qu'elle nous emmène. On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, ta voix qui me dit mon trésor. Tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du monde. Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé. Au

pavé, aspiré par la gravité d'un monde au rythme retrouvé. Mon corps immobile allongé retrouve la quiétude espérée, la chaleur du soleil levé, l'espoir, le silence et la paix. Quand la tempête recommencera en mille éclats, mon cœur volera. Quand la tempête recommencera en mille éclats, mon cœur volera. Quand la tempête recommencera en mille éclats, mon cœur. Canal de Rouen, ni même sur les ondes de Radio Val-de-Rhin, mais plutôt sur des fréquences plus numériques de la grande et parfois effrayante toile, j'ai gratté, j'ai cherché et j'ai eu la chance de tomber en pamoison sur le dénommé Arnold avec ce titre que je serais capable d'écouter en boucle, je consomme. Je fais l'amour à la demande un peu comme on commande un taxi, pas cher et facile depuis l'écran tactile. Je veux choisir la couleur, la joue même la hauteur que j'aime. Les questions pour le cœur, faut bien répondre au cul. C'est M. Je consomme, tu consommes de l'amour éphémère qui laisse un goût amer dans le cœur des hommes. Je consomme, tu consommes. Il suffirait qu'on s'aime pour consumer les peines des cons que nous sommes. J'accède au plaisir, objet de mes désirs immédiats. Je les fais défiler, les fais dans mes filets sous mes doigts. À ne parler de rien, on en vient vite aux mains, aux fesses. Dressé dans le vent, on ne prend pas le temps, la tendresse. Je consomme, tu consommes de l'amour éphémère qui laisse un goût amer dans le cœur des hommes. Je consomme, tu consommes. Il suffirait qu'on s'aime pour consumer les peines des cons que nous sommes. Je te prends, tu me jettes. Il faudrait qu'on s'arrête un instant. Les sentiments s'enchaînent et on dira je t'aime au suivant. Oser dans la prose, c'est souvent la même rose qu'on tend. On s'en vante en cachette, qu'on s'achète, on se vend. Je consomme, tu consommes de l'amour éphémère qui laisse un goût amer dans le cœur des hommes. Je consomme, tu consommes. Il suffirait qu'on s'aime pour consumer les peines des cons que nous sommes. Je consomme, tu consommes de l'amour éphémère qui laisse un goût amer dans le cœur des hommes. Je consomme, tu consommes. Il suffirait qu'on s'aime pour consumer les peines des cons que nous sommes. Il suffirait qu'on s'aime. Il suffirait qu'on s'aime. Il suffirait qu'on s'aime pour que tous nos problèmes s'évanouissent en somme. À présent, petit souvenir d'un concert intimiste du festival Chant sur Parole à Mably. Je vous laisse en compagnie du Breton, non pas le Yann, mais le chanteur de Brest, le Miossec, plein de tendresse. Musique. très cher et en tendresse. Ce n'est pas par paresse si mes lettres vous paraissent écrites comme on blesse. Est-ce que le bonheur ne finit pas par S? Je vous le confie même, vous le confesse. Ma tendresse, ma tendresse. Vous savez, ce n'est pas par faiblesse si certains de mes faits vous blessent, mais il ne faut croire mes caresses. Comme elle respire, car est-ce possible d'éprouver aujourd'hui de la tendresse? Amicalement et de façon chevaleresque, j'embrasse votre joli front, ma tendresse. Que de vous rien il ne reste, hormis une paire de bas délaisse. La fessée n'aura duré que le temps d'une messe, trois nuits, deux jours. Mais est-ce encore possible de nourrir de l'allégresse? Le goût du gras très peu pour moi, je le confesse. Je suis plutôt du genre cuisse confesse. Amicalement et de façon chevaleresque, j'embrasse votre joli front, ma tendresse. La programmation de cette belle soirée comprenait deux autres intermittents de notre bon plaisir. Le premier que je découvrais en entrant sous le chapiteau, c'était un bonhomme, un drôle de bonhomme, tout seul, ou enfin presque, puisque toujours accompagné de son amoureuse faite de bois et de sueur, sa contrebasse. Humbert Humbert a su nous charmer avec ses titres très intimistes et souvent très joyeux malgré tout. Y'a du grabuge, y'a de la bêtise, y'a du mensonge qu'on se le dise. Des guerres, des prisons, des tortures. Y'a du remords, y'a des rancœurs, y'a du mal de vivre. Et des pleurs, des injustices, des méchants, des voleurs. Y'a des vilains, des qui se croient malins. Y'a des salauds, des qui se croient rigolos. Il y a du pétrole, il y a du béton, il y a plus de nature et il y a des cons, mais il y en a une qui mérite une chanson. Elle est ici dans mes bras, elle accompagne mes émois et mes dérives. Elle me renvoie du bonheur, beaucoup d'espoir et quelques heures d'envie de vivre, bien malgré moi. Il y a de la haine, on est d'accord. Il y a des grenades, il y a des morts, des bouts de peau, des parcelles de corps. Il y a du chagrin, il y a des adieux, des amours mortes et dans les yeux des larmes blanches, des armées, des aveux. Il y a des soupirs, des enfants et des rires. Il y a des regrets, le silence et la paix. Il y en a qui dorment sous des cartons, il y en a qui ont perdu la raison, mais il y en a une qui mérite une chanson. Elle est ici dans mes bras, elle accompagne mes émois et mes dérives. Elle me renvoie du bonheur, beaucoup d'espoir et quelques heures d'envie de vivre, bien malgré moi. Y a des histoires d'import-export, y a des forêts qui brûlent encore, des fumées noires, mais des contrats en or. Y a des extincteurs de baleines, y a une issue, mais y a des chaînes, une échéance, plus ou moins incertaine. Ça fait beaucoup, tout ça dans un seul monde, et c'est un coup à faire péter quelques bombes. J'arrête un peu, allez c'est bon, au bar je vais me faire un petit bourbon. Et puis à vous, ben je dédie ma chanson. Vous êtes ici, tout près de moi, vous accompagnez mes émois et mes dérives. Vous me renvoyez du bonheur, beaucoup d'espoir et quelques heures d'envie de vivre, bien malgré moi. Après DKS et Humbert, la cerise sur le gâteau de cette soirée au Magic Mirror n'était autre qu'un des groupes que j'ai le plus vu en concert, Carpath, le groupe de Fred, Hervé à la parole zozotante et Gaëtan. Ces raconteurs d'histoires musicales ont réussi à enflammer le chapiteau du Magic, mais je ne me rappelle pas s'ils avaient interprété « Daignons pour des pelles », titre que j'ai choisi pour vous ce soir. J'avais 14 ans comme mon cousin et le cœur en fièvre. Ces deux jolies filles qui devinrent nos cavalières. Après un baiser bien vite volé, peu de bavardage furent nécessaires. Pour en voir davantage, tous deux débutants, il fallut user bien de manigance, d'imagination pour ne pas trahir notre inexpérience. Nous nous escrimions plein de bonne volonté, de courage, et elles apprécièrent notre cafouillage. Tout se compliqua quand le lendemain, pour les retrouver, 2 heures de vélo furent nécessaires à peine arrivées. Elles nous désarçonnèrent et en guise de récompense, elles se démenèrent. Tant conséquence, le soleil tombait, il fallait rentrer à notre village. Tout le sourire accroché, la tête dans les nuages. La route montait aussi sûrement que notre tristesse, en nous éloignant, loin de nos princesses. Fatigué par la pente et par notre gymnastique, mettant pied à terre pour faire reposer nos cages thoraciques, nous vîmes arriver sur leur mobilette les jeunes du village de nos fiancés, qui faisaient barrage, vous les coustougiens, les mérovingiens, faiseurs d'espadrilles. Vous qui venez chez nous la gueule en cœur, nous piquez les filles, venez dans le pré, on va vous apprendre à faire pénitence, on va vous montrer ce que l'on en pense. De retour chez nous, il fut bien difficile d'expliquer les marrons, leur tard, le trou dans le pantalon déchiré. Nous fûmes punis et plus jamais nous ne vîmes les pelles qui avaient valu daignons pour des pelles. Nous fûmes punis et plus jamais nous ne vîmes les pelles qui avaient valu daignons pour des pelles. Je vous parlais donc de Carpath que nous venons d'écouter, un des groupes que j'ai vu le plus souvent en concert. Et bien à présent, laissons la place au groupe de Axel et Sophie, groupe qui m'a le plus souvent accueilli en concert. J'ai choisi un très vieux titre, je dirais même un de mes titres préférés, que malheureusement les Tites Nacelles ne chantent plus beaucoup en concert. Les Tites Nacelles avec Juillet. Il fait chaud, mais moi j'ai froid. Juillet, t'es même pas là, mais tu vois, je parle encore de toi. Ta foutue fête ne sera pas réussie sous le trop lourd fardeau qu'est la vie. Ta foutue fête ne sera pas réussie sous les ombrelles. Des mots à moi. 14 juillet, rien à branler. Ton artifice ne me fait pas rêver. Moi, mon amour s'est envolé. Le jour où toi, tu éclatais. T'as foutu fait, ne sera pas réussi. Et d'ailleurs, j'en serai ravi. T'as foutu fait, ne sera pas réussi. Sous les ombrelles. Que toi, mais juillet, prends garde à toi. Je rends les coups, mais bien plus bas. Ta foutue fête ne sera pas réussie avec toute cette bande de ramollis. Ta foutue fête ne sera pas réussie. Moi je resterai seul, le cœur meurtri. Las palabras. Bailan contigo, contigo, y palabras que te hablan muy bajo, muy bajo. Las palabras que bailan contigo, contigo, y palabras que te hablan muy bajo. Les deux artistes qui vont emplir nos esgourdes à présent, je ne les ai pas encore vus sur scène. Espérons que la Covid nous laissera bientôt l'occasion de réparer cette anomalie. Nous écouterons donc Yvan Marc, mais tout de suite nous commençons avec l'ado de 14 ans, Barbara Carlotti. J'avais 14 ans et c'était l'été. Je sortais la nuit, je voulais danser. Je sortais en douce, les cheveux crêpés. J'avais 14 ans et j'aimais danser. Je sortais la nuit quand tout le monde dormait. C'était les 80s et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. On était une bande, on allait danser. Sous le ciel étoilé, on était heureuses et très maquillées. J'avais 14 ans et c'était l'été. Je sortais la nuit quand tout le monde dormait. C'était les 80s et on s'amusait. Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber. On était une bande, on allait danser. Ultraviolet. Sur la piste de danse, on fait notre entrée. On a 14 ans et on sait danser. Et les mecs viennent en regardant leurs pieds. Et les mecs viennent danser de très près. On fixe nos sourires sous les stroboscopes. Et nos corps se frôlent et nos cœurs se hâtent. Les arbres ont à me dire, j'écoute ce que les arbres ont à me dire, le printemps les inspire. Ce que les oiseaux ont à me dire, j'écoute ce que les oiseaux ont à me dire, les arbres les attirent. Alors, ils chantent pour leur plaire, ils chantent pour les remercier du vert. Alors, ils chantent pour la terre, ils chantent pour la remercier de l'air. Ce que les fleurs ont à me dire, j'écoute ce que les fleurs ont à me dire, le soleil les inspire. Ce que les abeilles ont à me dire, j'écoute ce que les abeilles ont à me dire, les fleurs les attire. Alors, elles dansent pour leur plaire, elles dansent pour les remercier du vert. Alors, elles dansent pour la terre, elles dansent pour la remercier de l'air. Du printemps chanté par Yvan Marc. Vous avez aimé ce titre? Alors courez chez votre disquaire préféré. Ah mais je crois bien que ce métier a disparu. Débrouillez-vous pour trouver l'album Nos Dimanches, sorti en 2018. Vous adorerez chacun des titres écrits par Yvan Marc. Et oui, coup de foudre. Comme celui que j'ai eu dans mes années d'étudiant pour un groupe lyonnais, Personne n'est parfait, et que j'ai vu au Rai Théâtre et que j'écoute encore aujourd'hui, Zenzila, le mélange sans appel, encore des amoureux des textes français mélangés sans appel avec leur langue maternelle. Quelle belle richesse, Zenzila, au nom du père. Longtemps j'ai repoussé l'idée, penser à toi. Je me disais que tout irait bien mieux, bien mieux comme ça, bien mieux comme ça. Cette nuit, je n'ai pas vraiment dormi, agité par des souvenirs. Ma mémoire qui a fait sauter les barrières. Allez, Jalek Bebra. au nom du Père. Au nom du Père. Au nom du Père. Au nom du Père. Toi, je te guère sa mère. Des années passent, s'effacent, on recommence. Même regret, au même silence. Et si le temps me donne encore du temps, j'irai te voir, et un jour, pas maintenant. Toutes ces années passées à se taire, au nom de quoi, au nom de qui? Allez, Jalek Baba, au nom du Père. Au nom du Père. Toi, je te guère Nina. Au nom du Père. Toi, je te guère Omri. Au nom du Père. Toi, je te guère Sabé. À toutes ces personnes qui sont parties, celles auxquelles on rêve la nuit, on leur a pas tout dit, on n'a pas pu, pas voulu, ou bien pas entendu. Alors la nuit devient longue, longue, Dieu qu'elle est longue, longue. Amen, amen, de Radio Le Zinc se termine et nous allons aller dans la Cité Rose, ville de Nogaro, ville de Zebda, pour retrouver la fanfare. Le groupe de Zorro de Nuit, les inventeurs de l'asile de Flou, on se quitte donc avec deux titres des Beautés Vulgaires et je vous dis rendez-vous dans une semaine avec Radio Le Zinc. Bis à mesdames, bis à messieurs. Thank you. carrelage du sol pour ton bien. Lessivé porte les stigmates de la foule agitée. Et au fond de la salle, juste à l'angle du bar, accoudé au comptoir, l'homme aux grosses moustaches s'abandonne au rite de la boisson anisée, des lascars, des étudiants, des muses excitées, des pompiers, des facteurs et des cadres pressés se partagent les bancs de la salle enfumée. Je compte les jours, les poings serrés, et tant de fois j'ai rêvé moi. Je compte les poings serrés, et tant de fois visiter le quartier. Fresques bigarrées qui maquillent les murs sont imbibées jusqu'au contreplaqué. Le zinc du comptoir de nouveau caressé, et malgré l'usure il persiste à briller. Des cendres, de la mousse, de l'eau javelisée, des sirops, des liqueurs et des noirs cafés se dégagent, une odeur, un parfum saturé. Moi, je compte les jours, les poings serrés, et tant de fois j'ai rêvé moi. Je compte les poings serrés, et tant de fois visiter le quartier. L'éclairage forcé du lieu fatigué, sais-tu dans la rue, j'entends le camion des poubelles. Je serai à jamais le demi du baby, le fou, un fou de foot, mais foutez-moi la paix. Le demi d'un baby au lino abîmé, je suis le milieu de terrain d'un baby défoncé. Jamais eu le droit dans la partie marquée. Moi, je compte les jours, les poings serrés, et tant de fois j'ai rêvé moi. Je compte les poings serrés, et tant de fois visiter le quartier. Je compte les jours, les poings serrés, et tant de fois j'ai rêvé moi. Je compte les poings serrés, et tant de fois visiter le quartier. Je compte les jours, les poings serrés, et tant de fois j'ai rêvé moi. Je compte les poings serrés, et tant de fois visiter le quartier.